je sais pas quelle est votre météo intérieure. C'est-à-dire, je sais pas dans quelle disposition vous êtes. Des fois, notre météo intérieure ressemble plus à des orages, à un ciel gris. D'autres fois, c'est comme une journée ensoleillée, bien chaude. Des fois, on est dans la tristesse, des fois dans la joie. Donc, ce soir, je suis à peu près certain que dans cette assemblée, il y a des gens joyeux, d'autres à ciel variable, puis d'autres pour qui peut-être c'est plutôt la tristesse ou même les orages. Et pourtant, ce soir, la parole de Dieu à tous nous est adressée. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Et Paul, au cas où on n'aurait pas compris, le répète. Laissez-moi vous le redire. Soyez dans la joie. Bon, c'est beau, mais concrètement, si ça ne marche pas dans ma vie, est-ce que je peux quand même être dans la joie? Pourquoi je me réjouirais? Saint Thomas d'Aquin dit « La tristesse vient souvent de la connaissance d'un mal qui est présent à ma vie et ça m'attriste, une maladie qui est là, un échec, une douleur affective, c'est un mal, ça m'attriste, c'est normal. » La joie, à l'inverse, comment elle est suscitée? Eh bien, par la connaissance d'un bien qui est là. Donc, comment faire pour vivre cette exhortation à la joie constante? Paul continue en disant « Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. » Des épreuves y en arrivent aux chrétiens comme aux non-chrétiens. Mais pourtant, il devrait y avoir une différence pour le chrétien. Il devrait témoigner d'une certaine, je mets des guillemets, d'une certaine sérénité parce qu'il possède une espérance supplémentaire, une connaissance même supplémentaire d'une cause de joie. Si on s'arrête aux apparences, c'est vrai qu'on serait peut-être les premiers à pleurer et peut-être même à vouloir se tirer une balle quand les choses vont pas. Mais pourtant, Dieu nous donne accès à une lumière, source de joie et d'espérance. Saint Paul est quand même lucide et il dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances et dans l'action de grâce, priez et suppliez. » S'il y a des éléments, des menaces qui viennent à nous ou qui sont présentes, eh bien quand même, c'est Paul qui nous dit de faire quelque chose, il nous dit de prier. Mais dans l'action de grâce, déjà reconnaissant. Pourquoi? Parce que tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une parole de Dieu encore, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Même nos pires moments de vie, même nos propres péchés. La première lecture, si on s'y arrête, c'est tirée du prophète Sophonie. Elle est vraiment géniale. Je vous invite à retenir le nom du livre, Sophonie. C'est le chapitre 3, le verset 14. Ceux qui sont tristes ce soir, là, retournez lire ce livre-là de la Bible, Sophonie 3, verset 14. Ça commence ainsi, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi, et le Seigneur insiste, de tout ton cœur bondis de joie. » Les adjectifs et les verbes et les adverbes sont forts. « Pousse des cris de joie, éclate en ovation, réjouis-toi, de tout ton cœur bondis, fille de Jérusalem. » Pourquoi? Le texte nous dit « Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. » Des fois, on est dans le trouble. Et des fois, c'est d'autres qui nous ont mis dans le trouble, mais des fois, c'est nous autres qui nous sommes mis tout seuls dans le trouble. Mais bonne nouvelle, le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur moi, les accusations. Cette année, je ne sais pas si vous savez, c'est l'année de la miséricorde. Le pape François, ceux qui ont suivi un petit peu les médias, a voulu que pendant un an, on s'ouvre à cet amour gratis, cet amour gratuit de Dieu, qui, malgré notre misère et nos péchés, nous aime. Malgré notre chute, il nous prend et nous remet sur nos pattes. Et d'ailleurs, même ici, dans notre diocèse, il y a des portes de la miséricorde, c'est-à-dire, c'est entre autres à la cathédrale, ça a été ouvert hier par notre cardinal, des portes par lesquelles on est appelé à passer pour signifier que oui, je veux passer par cette miséricorde de Dieu, je veux passer à travers cet amour qui me transforme, qui me change et qui me remet sur mes pattes malgré toutes mes misères. Donc, une première cause de joie, c'est celle-là. Le Seigneur, celui qui pouvait, celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui donc qui pouvait m'accuser même de ce que personne d'autre ne sait, autre que moi, eh bien, si celui-là décide de me faire miséricorde, qui alors m'accusera? Première grande cause de joie. Ensuite, il nous dit, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Alors, je dois faire une confession. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas si certains connaissent ce film, Le Seigneur des Anneaux. Certains l'aiment, d'autres pas trop, il y a des grosses bibittes. C'est un film, je dois aussi me confesser, que je regarde à chaque avant. C'est une petite tradition personnelle. Vous savez, l'auteur, Tolkien, l'auteur, c'est un livre d'abord, c'est un fervent catholique qui a, avec des histoires fantastiques, il a semé partout dans ces histoires fantastiques des pages d'évangile. Donc c'est un film, ceux qui le connaissent un peu, c'est un film où il y a toutes sortes de conflits, de batailles, une espèce d'anneau maléfique à détruire, mais cet anneau en même temps est séduisant parce qu'il donne du pouvoir. Mais bref, il y a toutes sortes de combats. Et souvent ça semble peine perdue. Tu vois des grosses armées, des fois se déployer contre une poignée d'hommes, des pauvres fermiers, des gens qui savent à peine se battre. Et pourtant, il y a une grâce mystérieuse qui les accompagne. Et ce qui est dans ce film est aussi dans la Bible. Pensons au combat des Philistins contre le peuple hébreu, de Goliath, qui lançait au défi la petite armée des Juifs, qui disait, c'était une armée avec des chars très puissantes, puis c'était un bonhomme, un colosse. Puis il dit, allez, amenez qui vous voulez, qui est prêt à se mesurer à moi? Et personne, tout le monde shakait, personne ne voulait y aller. Et puis finalement, Dieu a choisi un petit bonhomme, un petit berger, David. Et il est allé affronter cet ennemi. Les forces étaient disproportionnées, humainement parlant. Et pourtant, la main de Dieu s'était posée sur ce petit bonhomme, qui n'est même pas allé se battre avec une armure, mais simplement avec sa fronde et trois pierres. Alors que l'autre avait sa grosse armure, ses épées, ses boucliers. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, même si ce quelqu'un est un tout petit, un pauvre, un minus, un minable, eh bien, si Dieu décide de mettre sa main bienveillante sur lui et d'investir sa grâce avec lui, souhaitez de ne pas être en face l'ennemi. Parce que si petit soit cet homme, la grâce du Tout-Puissant est avec lui. Eh bien, la bonne nouvelle qui nous est donnée aujourd'hui, c'est que le Seigneur a choisi d'être avec nous, d'être de notre bord, d'être en nous. Et par le baptême, Jésus, Jean-Baptiste annonce quelqu'un qui viendra derrière moi. C'était l'Évangile. Je suis pas le Messie, moi, nous dit Jean-Baptiste. Mais il dit, il y a quelqu'un de plus grand qui vient derrière moi. Moi, je vous baptisais dans l'eau, mais lui va vous baptiser dans l'esprit. Dans cet esprit de force et de feu. C'est-à-dire, baptiser, hein, ça veut dire plonger. Il va vous immerger dans cet esprit. Il va vous immerger dans cette force de Dieu. Il va vous saucer dedans. Frères et sœurs, laissons-nous saucer, plonger, immerger dans l'amour de Dieu qui est tout puissant pour lever tout obstacle, pour chasser tout ennemi. Et des ennemis, il y en a plein. Mais attention, nos ennemis, c'est jamais une autre personne humaine. C'est souvent, par ailleurs, nos défauts et nos péchés qui nous séparent. Et quelquefois, on cherche et on se bat contre toutes sortes d'ennemis extérieurs, mais au fond, attention, parfois les ennemis sont en nous. Parfois, nos ennemis les plus redoutables sont en nous, tels la jalousie, l'envie, la colère, toutes sortes de luxures et d'impuretés. Mais, pas de panique, pousse des cris de joie. Réjouis-toi, le Seigneur héros, ton sauveur, est en toi. Celui qui est revêtu de la force de Dieu. Donc, le texte dit aussi, ne laisse pas tes mains défaillir. Encore une fois, dans le film, là, je reviens au Seigneur des Anneaux. À un moment donné, l'ennemi, quand tu vois une foule t'attaquer, tu dis, mais ça vaut même plus la peine que je me batte. Ça sert à quoi? Regarde tout ça qui se dresse devant moi. Et le texte dit, non, ne crains pas, que tes mains ne défaillent pas, que ta main lâche pas l'épée. Bats-toi encore. Au-delà de toute espérance, si la grâce de Dieu est avec toi, tu vas gagner par la force de Dieu. Et il y a un glaive qui nous est donné en la parole de Dieu et le glaive de l'Esprit-Saint, nous dit saint Paul. Donc, il faut lire. Allez pas à la guerre sans glaive, sans bataille. Prenez votre Bible. Avez-vous une Bible? Oui, n'est-ce pas? Je demande pas de lever la main. Ceux qui en ont pas, vite, ça peut être un beau cadeau de Noël. Demandez-le. Mais promenez-vous avec l'épée à la main. Mais parfois, une épée, ça sert à rien si c'est gardé dans le fourreau. Sortez-la. Utilisez-la, pratiquez-vous. Ouvrez-la chaque soir. Hein, les petits gars, moi je me souviens, j'ai déjà été petit gars, des fois je m'achetais ou je recevais des couteaux, des canifs, puis je les regardais, puis je faisais toutes sortes d'affaires avec. Mais on a un glaive, les gars, là. C'est l'épée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Servez-vous-en. On a aussi un bouclier, la foi. Le bouclier de la foi. Seigneur, je crois en toi, quoi qu'il arrive. Saint Paul dit, par le bouclier de la foi, vous arrêterez les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? C'est toutes ces phrases, ces tentations, des fois du monde. Écoute, ça sert à rien, tes affaires. Regarde, t'es encore pogné dans tes problèmes. Lâche donc toutes ces affaires-là. Non, Seigneur. Je crois et je suis avec toi. Tasse-toi. Pensez qu'il n'est pas de Dieu. Prenons l'armure de Dieu. Revêtons-nous de sa force et prenons la louange. Hein? On vous parlait durant cet avant de la prière. Eh bien, la prière de louange est une arme redoutable. Aujourd'hui, les textes nous invitent à la louange, à crier, chanter de joie. Dans l'Emmanuel, on aime ça chanter. Hein, ceux qui le savent, il y en a des fois, ça les agace même. Ça a le droit de vous agacer. Je vous en veux pas. Ça m'a déjà agacé d'ailleurs. Mais il y a dans la louange une puissance de Dieu pour chasser la tristesse. Il y a dans la louange une puissance de Dieu pour exercer la foi. Quoi qu'il arrive, on peut chanter Dieu même si on a eu des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu s'en vient quand même. Malgré cette épreuve-là. Cette semaine, je vous invite, d'une part, à vous réjouir, à entrer dans cet appel de Dieu. C'est un appel de Dieu, et encore une fois, il est pour tous. Demandez à Dieu d'entrer dans la joie cette semaine, aujourd'hui même. Deuxièmement, ceux qui veulent d'ailleurs, ce soir, je vous propose, avant ou même pendant la messe, vous savez, la messe, c'est la louange et l'action de grâce, donc on va avoir encore des chants, chantez de tout votre cœur et chantez intérieurement aussi. Il y a même un groupe de prière mercredi. Pourquoi pas venir chanter la louange avec d'autres? Parce que chanter avec d'autres, ça nous entraîne. Ensuite, comme le texte disait, que tes mains ne défaillent pas. Je vous invite à vous relever debout et retourner au combat là où vous étiez. Vous aviez peut-être abandonné. Relevez-vous. Le Seigneur, ce soir, vous redonne sa force. Ne démissionnons pas. Donc, entrons dans cet appel à la joie. Louons le Seigneur, tout seul, mais aussi ensemble. Battons-nous et nous obtiendrons la joie et la paix. Ensemble, on peut reprendre ce refrain qui prenne les textes de la Bible, pousse des cris de joie. Jérusalem, on peut se lever. Nation, fille de Sion, réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Que ton Seigneur demeure en toi, pousse des cris de joie, ô Jérusalem. Éclate en ovation, fille de Sion, réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Le Seigneur demeure en toi, écarter tes accusateurs. Oh, amen, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, à redouter, pousse des cris de joie, ô Jérusalem. Éclate en ovation, fille de Sion. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Le roi d'Israël, ton Seigneur, demeure en toi.